Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la parade. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Vif vous avez. Faut mettre l'adjectif à la fin. Au début, passe. On dit pas juif, vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Si je vous dis con, vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français. Rock and roll. I'm the girl, I tell you the wow. On the rocks. Wow. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs de 19h à... je ne suis plus les horaires à force de changer, 19h-20h30, c'est ça maintenant. Voilà, un petit hommage à Bébel quand même ce soir pour entamer l'émission, parce qu'on est bien triste. Et puis, on est bien gay quand même, avec un générique à fond les gamelles, puisqu'on a beaucoup, beaucoup de choses à vous faire écouter. Quand je dis « on », je ne parle pas que de moi, je ne suis pas Alain Delon. Mais je suis plus Bébel. Et je suis avec mon cher Christophe Arondeau qui est là en face de moi, et ça fait plaisir de le retrouver. Bonsoir. Bonsoir Manu. Bonsoir tout le monde. Éminent représentant de la Rock Set List. Alors, je vais t'avouer quelque chose d'un peu honteux. J'ai compris hier Rock Set, Set List. Hein, au bout de 40 ans quand même, c'était bien. Donc c'est très bon choix. Pourtant, on était très fiers de ce jeu de mots très simple à comprendre. Mais voilà. Donc Rock Set List, très bien. Rock Set List, alors pour ceux qui ont loupé les cours de rock'n'roll en 3e, qu'est-ce que c'est que la Rock Set List? Qu'est-ce que c'est que Rock Set, tout ça? Il y a beaucoup à dire. Roxette, d'abord, c'est le titre d'une chanson hyper célèbre d'un groupe de Dr. Feelgood. C'est vrai. Qui a lancé le pop rock. Je diffuse allègrement. Hein, oui, allègrement, je vérifie toutes les semaines. Et ensuite, Roxette, c'est une association blésoise qui a fêté ses 18 ans l'année dernière, dont on va pouvoir parler un peu plus longuement tout à l'heure. C'est pas pour rien qui dit ça, le gaillard. Et on n'est pas aussi vieux que toi, mais on essaye de t'accrocher au train. 28 les gars, 28. Et donc, on est une association de vieux briscards qui avons nos racines dans les années 70-80 à Blois avec l'association Riposte, que certains ont bien connu avec les concerts dans la salle du Pré, tout ça. J'étais né. Donc, nous, on émane un peu de cet esprit-là. On est bénévole, amateur, et on fait les concerts comme on les aime, avec des partenaires blésois, parce que en fait, on n'est rien. Nous, on n'est que des pauvres. Amateur, et on s'associe avec des gens qui s'y connaissent, comme le Château d'Eau, la Maison de Bégon, le Club de la Chaînée. Enfin, on a plein de ramifications. Les gens semblent bien nous aimer, et ben on profite de leur gentillesse pour organiser, proposer, programmer des concerts. Et la Rock Set List, j'y arrive. C'est une émission de radio qui passe hebdomadairement sur une antenne blésoise, Studio Zef. Oui. Qui est aussi ton antenne. Qui rediffuse, c'est vrai. Faut que je leur envoie les émissions, j'ai complètement oublié. Faut que je leur envoie les émissions. Ouais. Oui, ça te fait bien de me rappeler. Parce que On The Rock, ça passe le mardi soir. Voilà. Et la Rock Set List, ça passe le jeudi soir à 18h. Et le jukebox de la Rock Set List, ça passe le mercredi soir. Voilà. Alors moi, je suis assez admiratif de tout ce que tu fais pour le rock'n'roll sur Blois. Je te l'ai jamais dit en face, mais c'est assez impressionnant avec sorte d'abnégation comme ça et d'enthousiasme qui t'a jamais lâché avec tous ces concerts et tous ces événements organisés. Là, on va parler compilation, on va parler concert et on va parler Cinoche. Voilà, on en est là en ce moment. C'est quand même pas mal. On va commencer quand même avec un petit hommage après Bébel. Alors bon, Belmondo quand même. Je suis triste. Je me suis toujours posé la question de savoir qui allait gagner entre Bébel et Delon. Ouais. Et ben, c'est lui qui gagne. Ouais. Et bon, c'est lui qui gagne depuis longtemps d'ailleurs. Voici donc un autre hommage avec un petit hommage à Charlie Watts qui nous a quittés. Voilà, ça commence à virer très sérieusement les stars des années 60. Ouais, ça commence à dégager. C'est mécanique. Hein. C'est mécanique. Hein. Nous-mêmes, on est très frais. Mais voilà, donc Charlie Watts, quand même, batteur des Stones, batteur historique, puisque c'était le dernier survivant. vraiment des Stones historiques avec Mick Jagger, Keith Richards, c'était les trois derniers, en tout cas qui jouaient encore dans les Rolling Stones, puisque Bill Wyman est au bord de sa piscine depuis un moment, et non pas au fond comme comme certains autres. Et voilà, donc Bill Wyman quand même, Charlie Watts quand même une grande classe, un gars qui quand même jouait du rock and roll alors qu'il aimait le jazz, un gars qui était hyper sobre et hyper clean alors que tout le monde s'en foutait plein le pif, assez étonnant comme personnage. Mais il imposait le respect. Il imposait le respect. Il a toujours eu un flegme. Alors j'ai entendu cette anecdote cette semaine. Il a perdu son flegme une seule fois où Mick Jagger était un peu défoncé et lui avait dit "Je te rappelle que t'es que mon batteur." Et l'autre lui a mis un pain en lui disant "Je te rappelle que t'es que mon chanteur." Donc c'est une anecdote qu'on peut retrouver dans le livre de Keith Richards, qui est très bien raconté d'ailleurs. Ouais. Bon. Mais c'est là où on peut voir un peu le côté branlito de Mick Jagger à une certaine période. C'est vrai. Mais vu par Keith Richards, donc forcément c'est pas très objectif. On va se passer donc deux petits morceaux des Stones quand même pour commencer avec deux morceaux qui moi j'ai immédiatement. Alors évidemment on pense à Sympathy for the Devil pour le roulement frénétique, mais moi j'ai pensé à ces deux morceaux parce que les deux intros sont pour moi les plus emblématiques. On va voir si tu aurais choisi la même chose. Eh ben je te dis ça dans moins de 5 minutes. Maintenant même. Upstairs for a ride. c'était Get Out of My Cloud des Stones. Et puis juste avant, Honky Tonk Woman, évidemment. Avec ce petit ding-ding au début, c'est quand même pas mal. Bien. Hein? Qu'est-ce que tu aurais choisi, toi? Moi, le premier réflexe, quand je pense aux Rolling Stones, je pense à Under My Thumb. Ah oui. Et j'ai souvent ce morceau en tête. J'ai jamais de musique dans ma tête parce que je ne sais pas chanter tout ça, mais Under My Thumb. Il tourne dans ta tête. Et il tourne dans ma tête assez régulièrement. Et c'est un album que j'ai adoré. Je crois que c'est le premier que j'ai découvert des Stones. Et tu vois, je suis un peu resté là-dessus. Under My Thumb, ça me le fait à chaque fois. Il y a pire, hein, comme morceau quand même. Il y a pire. Ce soir, c'est Christophe Arondo qui est là, en face de moi avec son joli t-shirt The Jayhawks. Bien sûr. Mais oui. Mais bien sûr. Ça, déjà, ça montre que c'est un homme de goût. On va commencer avec le coup de cœur de l'émission. Je vais vite parce que forcément l'émission ne dort plus qu'une heure et demie maintenant désormais. Et puis on cause beaucoup. Avec, je crois que c'est un petit coup de cœur commun. Ah ouais. J'ai eu la chance et le bonheur de les voir en concert lors du Fleuve Festival. C'était le week-end dernier à Orléans, au 108 rue de Bourgogne. Il y avait Rivka en départ. Il y avait Av the Moskovic. Mais ceux qui ont vraiment mangé la soirée, ce sont eux. Ils s'appellent Strawberry Seas. L'album est sorti un peu. Alors moi, j'étais passé à côté l'année dernière. À Tours, ils sont tourangeaux, une sorte de force tranquille dans la composition des morceaux, dans l'exécution des morceaux, avec une fille au clavier qui joue un rôle extrêmement important. C'est un peu la Kim Deal de la bande, c'est-à-dire que ses chœurs font décoller et son clavier également. Et puis un guitariste chanteur assez formidable, je sais pas si c'est lui qui compose. Je crois que c'est lui. J'imagine des compositions à tomber par terre. Il y a un autre guitariste, celui qui a produit, enregistré l'album et qui est le deuxième guitariste, qui est assez extraordinaire, un bassiste comme tous les bassistes presque flegmatique et très efficace, un batteur qui vraiment un toucher, il a fait un pain, il était désolé, mais il a vraiment un super toucher et vraiment une qualité de morceau. On a l'impression, à écouter le concert des Strawberry Seas, c'est un peu la rencontre entre les Fontaines of Wayne et les Pixies, le Velvet et même parfois un peu de Creedence Clearwater par-ci par-là, enfin incroyable. Et puis tout ça tranquillou, hein, tranquillou, assez modeste. Pour vous dire, j'étais pas loin de Mathieu Malon, qui était à côté. On se jetait des coups d'œil l'un l'autre en se disant ouh là là. Et donc on a pas mal décollé, ouais. Alors amis blésois, n'hésitez pas. Vendredi soir, 10 septembre, ils sont au hangar du Château d'Eau. Concert gratuit. Et moi, je les ai découverts il y a quelques mois. Je les ai programmés déjà, bien évidemment, à la Rock Setlist il y a quelques mois. Tu m'étonnes. Et tellement je les aime aussi, ils seront en concert avec Rock Set à la Maison de Bégon le vendredi 12 novembre, en première partie du nouveau groupe de Nico Duportal qui s'appelle Lowland Brothers. Bon, et bien, moi je vais essayer de faire de toucher un petit mot à Mathieu Dufaux qui sera là à ses micros la semaine prochaine pour parler de Pop-Up. Il faut qu'il tourne et il faut qu'il joue ces gars-là et cette fille-là, parce que c'est, je leur ai dit, hein, je le dis pas souvent, ça fait longtemps que je m'étais pas pris une telle claque. L'album est déjà formidable, ça grimpe un peu, surtout sur ce morceau qu'on va se passer qui s'appelle Teenage Freak, qui est le deuxième morceau de l'album. Il est assez tranquille, pépère, sur l'album. Il est un peu plus un peu plus vigoureux, c'est ça, sur scène. Voilà, à suivre de très très près. Je leur ai proposé de venir dans les studios à place, mais lundi soir il bosse, puisque vivre de la musique c'est un peu compliqué. Mais je vais essayer d'aller faire traîner mon micro. Mais viens vendredi soir au Château d'Eau. Tu me connais, tu connais mon agenda, hein, tu commences à me connaître, Christophe. C'est parti, ça s'appelle Strawberry ici, c'est vraiment le gros gros coup de cœur de ce soir. Voici Teenage Freak. Inside my soul. game? Did you have fun? Did you enjoy the summer days? Do you want more? Or did you hate that? It's on today. I don't know why, but it could sun. And I'm hoping you like somebody or come on. You say you don't know why, but it could sun. And I'm hoping you like somebody or summer is gone. Under the sea. C'était une nouveauté dans The Rocks avec un groupe que j'avais déjà défendu de par le passé, qui vient de sortir un nouvel album. Il n'est même pas encore sorti, je crois. Il s'appelle Mumbo Jumbo. C'est le nouvel album de Dragon Rapide. Je ne sais pas si tu connais ça, mon cher. Absolument pas. Bah, c'est très sympa. Ouais, voilà. Tout est comme ça. Et voilà, c'était le morceau Summer's Gone. Parfait. Hein, morceau d'actualité. On n'y croirait pas, mais. Oui, parce que dans mes embouteillages tout à l'heure dans la voiture, il faisait 33 degrés. Ça me semblait pas qu'il était parti ce soleil. Et ben voilà. Donc c'était Dragon Rapide. Je vous conseille l'album qui vient de sortir. On se diffusera encore quelques morceaux de ce trio fort sympathique dans The Rocks qui vaut vraiment le détour. Alors on va parler ce soir de tout l'univers et de la planète Roxette, puisque 18 ans, je disais 28 ans, The Rocks, 29 ans, oui, 29e. Mais 29 ans. Tu l'as répété la semaine dernière. J'ai répété la semaine dernière. C'est les vieux, ça c'est plus. Donc 29 ans, et là c'est pour les 18 ans, et pour les 18 ans, il y a cette compile qui vient de sortir où le principe est vraiment assez génial, le Roxette Tour en 18 étapes. Le principe est simple, enfin je vais te laisser le décrire. Non mais vas-y, t'es bien parti là. Et ben voilà, ce sont je suis lancé. Donc ce sont des groupes blésois pour la plupart. Du Loir-et-Cher avant tout. Il y a deux exceptions. Oui. Mais j'expliquerai aussi mais pourquoi. Presque, mais avec des cousinages. Bien sûr. Et donc, chaque groupe reprend le morceau d'un autre groupe et ça s'enchaîne comme ça. Par exemple, imaginez une compile, les Rolling Stones reprennent du Beatles et ensuite les Beatles derrière reprennent... Les Who reprennent les Kinks. Donc voilà, donc c'est la compilation, il y a 18 morceaux, ça commence par Marc Minnelli, ça finit avec Skawax, et puis il y a plein de belles choses dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse de ce morceau, et voire de la pochette? Ouais, bah, l'émission va pas être assez longue, mais simplement en fait, c'est pour fêter nos 18 ans. Cet album va sortir sous forme de vinyle, on aura presque 20 ans, parce que tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu des étapes qui nous ont freinés. Les pressages vinyles sont un peu compliqués, j'ai cru comprendre. Aussi, mais en fait toute la période d'enregistrement a été aussi compliquée, puisqu'il y a eu des confinements à la queue leu-leu. Et en fait l'initiateur du projet, c'est Fred Gramage, qui est l'ingénieur du son du studio Pôle Nord. Et Fred aussi s'occupe d'un site très important pour les groupes de la région qui s'appelle l'électrophone.fr. Je ne sais pas si tu connais. Oui, exact, très bon site. Et c'est un très bon site qui nous permet de recenser un peu tout ce qui se fait dans la région centre. Et lui, il a besoin d'actualité aussi dans son site. Et on a de très bons rapports, on s'entend très bien. Et sachant qu'on était en lien avec beaucoup de groupes, il dit, ça vous intéresserait pas qu'on fasse une compile? Et il dit, oui, évidemment, ça tombe bien, c'est nos 18 ans. Donc, alors, de fil en aiguille, on a invité 18 groupes. Et les critères de sélection, parce que sur les 18 ans, on a fait à peu près 70 groupes locaux. Et on pouvait pas éviter tout le monde. Donc on a malheureusement dû en évincer un certain nombre. On t'as quand même dit on pouvait pas éviter tout le monde. C'est un joli lapsus. Oui. On ne pouvait pas inviter. Revenez, il a dit inviter, revenez. On ne pouvait pas inviter tout le monde. Et donc le critère, ça a été des groupes qui avaient fait évidemment la première partie, mais qui avaient le sens de l'écriture, de la composition, qui ne faisait pas que des reprises, parce que souvent dans nos groupes de première partie c'est souvent des reprises. Donc là le critère, ça a été ça. Il a fallu que les groupes acceptent aussi de jouer le jeu, de réécrire un morceau existant qui n'était pas le leur. Et le but du jeu, c'était aussi de faire la rétrospective des 18 ans. T'imagines bien qu'en 18 ans sur des groupes locaux, il y en a un certain nombre qui n'existent plus. Et oui, c'est un peu le problème. Et ce qui nous a plu énormément, c'est que tous les vieux groupes qui n'existent plus ou presque, ont tous accepté le challenge de se reformer pour l'opération. Ça, c'est génial. Alors, par exemple, quels sont les groupes qui se sont reformés, qui n'existaient plus? Par exemple, tu as le premier groupe qui a joué avec Roxette en septembre 2002, Kevin Texas Band, qui à l'époque s'appelait Kevin Texas River, s'est reformé alors que ça fait plus de 10 ans qu'ils ne jouent plus ensemble. C'est joli. Après, tu as un super groupe qui s'appelle les Estroes, où il y avait Fonfon des Burning Heads là, qui avait monté ce groupe-là. Eh bien, ils se sont montés pour l'occasion et on est bien content de les avoir eus. On a eu encore quel groupe qui s'est... les Gratteurs de Souffle, qui n'existent plus, se sont reformés pour l'occasion. Oh là là, qui est un duo blaisois, s'est séparé et on les a associés avec Erlos, qui est une figure blaisoise aussi. On se passera ça tout à l'heure. Morceau étonnant le morceau. Et qui reprend un groupe anglais que tu dois connaître, le nom m'échappe à l'instant, Eric Boitier à la batterie, qui reprend, vas-y. King Salami. Voilà, King Salami, tu connais peut-être. Non. Eh ben, c'est un groupe qui est super. Et ce qu'il y a aussi de rigolo, et pas tellement rigolo, c'est que au cours de ce confinement, des gens qui étaient encore vivants au moment de l'enregistrement n'existent plus maintenant. Donc on a par exemple Above the Red Line, qui a décidé d'arrêter sa carrière. On a Infernal Flash Pep, qui a décidé d'arrêter sa carrière. Oui, ils sont séparés, ils sont pas morts. Non, ils sont pas morts. Je croise les doigts. D'accord. Mais le groupe n'existe plus. Alors, tu vois, ça... Donc, c'est une compilation qui montrait ce qui existait, ce qui existera et ce qui n'existe plus. Et cette compilation existera toujours sur le site de l'électrophone. Tout le monde peut l'écouter autant de fois. Nous, on a sorti un CD pour offrir à tous ces musiciens qui ont travaillé quand même pas mal bénévolement. Et nous, à Roxette, on ne souhaite pas non plus faire du commerce de ça. Et cependant. Parce que tu as déjà ta Ferrari, toi, tu t'en fous. Exactement. Et cependant, on s'est dit que c'était dommage d'avoir fait tout ce travail et de ne pas garder une trace. Oui, bien sûr. Une trace vinyle pour ceux qui voulaient. Donc là, on lance une souscription. Attendez, c'est presque double vinyle, là. Non, les morceaux sont courts. Non, c'est double vinyle. Ouh là là. Double vinyle. Souscription. Je t'ai amené des bulletins de souscription pour évidemment que tu puisses diffuser à toutes tes invités. Mais nous, on pense que c'est une belle photographie du territoire loir-et-chérien sur les 18 dernières années. Et cette compile est au prix de 25 euros. Chaque personne peut aller télécharger sur le site roxettebois.com le petit feuillet de souscription. Il nous le renvoie et ça va arriver au moment de Noël. Et c'est pour ça que je te disais, on sera à la porte de nos 20 ans en décembre. Et oui. Et oui. Et oui. Alors, pour les 20 ans, qu'est-ce qui va se passer pour les 20 ans? Si tu veux, j'ai passé mon après-midi à faire un dossier pour préparer les festivités. Et je ne peux rien te dire. Samedi, nous avons une assemblée générale. Et il y a des choses qui sont sur les rails. Hein. D'accord. Mais j'aimerais bien. Hein, tu me diras. Bien sûr. Bien sûr. Bon, alors moi, pour les 30 ans, je ne sais pas. Je sais que tu me pousses. On va le dire. Je vais le dire à l'antenne. Je l'ai jamais dit. Ce gaillard me pousse à faire des concerts. Parce que une partie de moi meurt d'envie à faire des concerts pour les 30 ans. Mais bon, voilà, faut trouver le lieu, les artistes. Les artistes, je pense que ça serait jouable. Les artistes, je pense que tu peux les avoir. Après, c'est le public. Mais 8 auditeurs, on ne sait pas. Les publics, tu l'auras. Vu tes choix musicaux, Manu, on n'a aucun doute. Et alors, je sais que tu as une petite réserve là-dessus, mais moi, je pense que le meilleur endroit pour organiser ça, c'est l'Astrolabe. Et tu es un membre de leur famille. Et je suis sûr qu'ils seraient... Je suis le petit cousin pénible. Je suis sûr qu'ils seraient hyper contents de te confier les clés de la programmation pour un week-end, pour trois jours, faire un festival on the rocks. Moi, je dis que ça aurait de la gueule. Bon, mais écoutez, on en reparle. Hein. Et si tu veux, la semaine prochaine, quand Mathieu est là, j'appelle en direct pour tu dire... Tu lui mets un coup de pression. Ouais. D'accord. Ok, il en est capable. On va se passer déjà un extrait de cette compile, la Rocks, le Rockset Tour en 18 étapes. Moi, j'ai choisi pour ouvrir Taïa Zabeu. Bien sûr. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que c'est? Parce que je ne connais pas ce groupe. Eh bien, Taïa Zabeu, c'est un vieux groupe qui vient de fêter aussi. C'est, alors, j'ai un trou de mémoire, 15 ans, je crois. Ah, c'est des jeunes. Ou 20 ans. Je crois qu'on a le même âge à peu près. Je me demande s'ils n'ont pas 20 ans d'ailleurs. Et ce week-end, ils étaient à la fête des Vendanges devant 6000 personnes avec Trio en concert gratuit. Là. Pas mal. Et pour une fois, parce que c'est un grand groupe aussi, ils sont 10 ou 11. Hein. Et ils étaient privés de scène depuis un moment. Et les seuls petits concerts qu'ils pouvaient faire, ils avaient fait en formule acoustique à 5. Et là, pour la première fois, ils ont ressorti l'intégralité de leurs musiciens. Et c'est un groupe de reggae. Et eux aussi, ils ont leur émission de radio sur Studio Zef. D'accord. Qui s'appelle la Reading Station, tous les vendredis soirs. Je t'invite à l'écouter parce que ça dure des fois 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Une fois qu'ils sont 8 heures, une fois qu'ils sont lancés, ouais, c'est, on voilà. les arrête plus. Et puis ils ont plein de petites chroniques. Et évidemment, il y a Damien qui tient tout ça aussi, qui n'est pas le musicien, mais qui fait le producteur de l'émission. Et c'est vraiment une très belle émission. Et ils ont là, ils ont enregistré leur deuxième album, qui est sorti le genre 3 jours avant le premier confinement. D'accord, bon timing. Et il devait faire une release party au Château d'Eau qui a été annulée. Enfin bon, c'est oui, l'enfer de commun voilà. de tout le monde depuis voilà. 2 ans. Et donc eux, ils ont écrit cette chanson que Marc Minelli a réécrit à sa façon aussi. Et je trouve que Marc a fait un super travail aussi. Et c'est une chanson quand même très très actuelle. Eh ben c'est parti. C'est sur la compile le Rockset Tour en 18 étapes. Because you feel good that you don't wanna go away. 'Cause this experience would be great nowadays. Gonna die, and I easily show you that's not a lie. A real dream to reach before I'm gonna die, and I easily show you that's not a lie. A real dream to reach before I'm gonna die, and I easily show you that's not a lie. A real dream to reach before I'm gonna die, and I easily show you that's not a lie. Go where you want. fan of you. One big, big fan of you. Always believed in you, and I'm relieved that you're. Your mind shut, don't trust your gut, constantly telling you, oh, just stop. Your young self would not hang with this new you. Like you once said, none of us should be true. Cause it's been longer than lonely, lonely, lonely, lonely life. Time for you to go. C'était une nouveauté dans The Rocks avec un groupe qui n'est pas une nouveauté puisqu'ils existent depuis 1995, un groupe de Boston de cette mouvance ska punk punk à roulette un peu à la Les Zen Jack. Ils viennent de sortir ce morceau, je connaissais pas ce groupe, ça s'appelle New Day et je trouve que c'est le morceau idéal pour rentrer. Hein, pour faire la rentrée, c'est-à-dire on a tous envie de se... voilà. Et en fait, là, ça nous redonne du peps. Et puis juste avant, c'était tiré de cette compilation dont on parle ce soir avec Christophe de la Rock Set List, le Rock Set Tour en 18 étapes. C'était avec cette reprise de Taïa Zabeu, enfin Taïa Zabeu qui reprenait. Et voilà, c'est ça. Une petite qui est d'ailleurs comme toi, qui est institutrice à Strasbourg, je crois maintenant. Et elle, c'est une chanteuse. Elle vient de sortir un album il y a pas très longtemps. Et souvent, elle est toute seule avec sa guitare. Ou des fois elle est accompagnée par un ou deux. Alors elle n'est pas sur la compile par contre. Si, elle est sur le coup d'après. Et on avait fait une association avec Enelos, Jaco, Suzanne et d'autres amis. Parce que je te dis, il y a des moments où Jaco elle était toute seule. Après elle travaillait avec Suzanne. Enfin, on a dit, allez les filles, on se met ensemble. On invite aussi une section rythmique derrière vous et tout. Et donc ils ont travaillé. Une personne peut devenir six personnes, toi. C'est ça qui est formidable. Oui, ça c'est formidable. On va continuer avec un autre morceau de cette compile, mais peut-être tu peux nous parler de la pochette, qui est quand même assez réjouissante. Alors qui est ce monsieur? Eh ben, c'est Fred Gramage, donc l'ingénieur du son de Paul Nant, parce que il a fallu réfléchir donc à cette pochette et un joli t-shirt. Ouais, alors je vais y arriver à tout ça, mais on se disait ça allait être compliqué de faire cette pochette sans faire de jaloux, si on savait pas trop comment s'y prendre. Et moi, il y a quelques années, ça remonte bien maintenant à 10 ans, dans mon club sportif, il y avait eu un gros incendie. Et dans les cendres, j'avais retrouvé cette tunique bleue. J'en ai une dizaine comme ça, avec années 70, cyclisme, écrit en gros Loir-et-Cher. Et quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, ben voilà, mes maillots, je savais pas à quoi ils allaient me servir. Maintenant, je sais à quoi ils vont me servir. Et la surprise, ça va être aussi au moment du vinyle. Vous allez voir, il y a des choses. Et donc là, en fait, c'était l'équipe du Loir-et-Cher, Rock'n'Roll, Roxette. Et on a emprunté un vélo. Alors je salue Hugues, le propriétaire du vélo, qui malheureusement a eu un très grave accident au mois de février dernier. Je suis content, j'ai réussi à le voir enfin samedi, mais il a passé beaucoup de temps en hôpital. Désormais il est sur un fauteuil roulant, il pourra plus monter sur un vélo comme ça, mais il a déjà plein de projets. Il va faire du vélo allongé, je sais plus ce qu'il m'a dit. Il veut faire de la natation, ça me réjouit, tu vois. C'est très triste de voir que un jeune homme de 22 ans qui pétait la santé, qui adorait pédaler, il a eu tous ses rêves brisés en l'espace de quelques secondes. Et ce qui est très très agréable, c'est de voir que néanmoins il se reconstruit aussi plein d'autres rêves. Eh ben on l'embrasse. Et donc on a fait une séance de photos au milieu des champs avec Fred, avec sa femme, parce que le dos de la pochette c'est sa femme qui est là. On a passé plein de bons moments à préparer cette pochette. À découvrir sur internet, évidemment. Oui, vous pouvez aller sur le site de l'émission, sur le Facebook de l'émission, elle y est. On va continuer avec un extrait de cette compile, donc, avec quelqu'un que je connais bien, puisqu'elle est déjà venue dans ses studios chanter. C'est Toubata avec son nouveau groupe qui s'appelle Rolling Dune. Yes. Alors, je trouve qu'elle s'épanouit, je te le disais hors antenne, ça lui va comme un gant, et je trouve que... Alors, pour moi, c'est le meilleur morceau de la compile, ce qu'on va écouter maintenant, avec cette reprise du Kevin Texas Band. Je pense que tu vas lui faire plaisir, et ce qui est, je trouve, assez formidable, c'est effectivement de voir comment il transforme le morceau, parce que Kevin Texas Band, c'est vraiment du blues, Chicago blues. Ouais. Et là, c'est carrément un autre morceau. Et c'est un des le côté miraculeux de cette compilation où les morceaux se retransforment. Et c'est tellement rare d'avoir dans des groupes régionaux d'être repris par d'autres. Quand on a fait la soirée de présentation au Château d'Eau, tous les groupes étaient un petit peu émerveillés de voir qu'ils étaient repris par d'autres et d'une façon inattendue, quoi. Ouais, très très bonne idée, ça. Je trouve que vraiment elle fait une performance vocale, Toubata, sur ce morceau qui est assez exceptionnel. Voici donc les Rolling Dune avec Miss Griffin, et puis juste après, on annonce ou on désannonce? Ça sera la surprise. Ça sera la surprise. D'accord. On va les annoncer. Je ne dirai jamais de mal de Toubata. Bien sûr, moi non plus. Et des Rolling Dune. Oui. Et donc. Parce que c'est un vieux groupe que. Tout à l'heure, on parlait qu'il y avait deux groupes extérieurs au Loiret. Au Loiret-Cher, pardon. En l'occurrence, ils sont de Cléry. Mais on a une vieille histoire ensemble. Quand on a été programmé la première fois à la Guinguette, ils étaient déjà là avec les Maroc'n'Roll. Après, tout matin, elle est venue avec les Lazy Drake Island. Et puis là, avec Rolling Dune, ça fait trois fois qu'on doit les faire. Et donc, c'est toujours un plaisir de les avoir, cette bande. Ils sont sept sur scène avec les cuivres et tout. C'est génial. Ouais, génial. Et puisqu'on parle de soul et de voix soul, de belles voix, il y a un album de Natalia M. King qui va arriver. Je l'ai eu au téléphone. On a longuement parlé. Il se passe des choses. Il y a un duo avec Elliot Murphy. Elle a signé chez Dixie Frog. Il va y avoir une petite interview là téléphonique, parce qu'elle habite à Arles, hein, la demoiselle. Donc ça va être un peu compliqué d'aller la voir. Mais en tout cas, voilà. Et vous pouvez déjà écouter le premier single. Je pense qu'on se la diffusera la semaine prochaine. Le premier single de Natalia M. King qui arrive, et l'album a l'air magnifique. Et j'en profite pour dire que tu me l'avais présenté et tout, je l'avais eu au téléphone, ça avait été un moment divin. On avait préparé un concert, mais sauf que elle était avec un mauvais monsieur qui organisait. Alors je sais pas si elle est toujours avec lui. Je sais pas. Mais en attendant, il nous a planté à une semaine, et lui, je suis pas prêt de l'oublier. Ouais. Et elle, c'est pas son style, c'est vraiment. Déçu parce que je me faisais une fête de la recevoir. C'était tellement bien, tu me l'avais tellement bien vendu. C'était pas elle perdu. S'était tellement bien vendu aussi. Ouais. Elle avait été charmante. Et un monsieur exécrable. Bon, l'entourage parfois, grand artiste en tout cas, et l'album à venir est vraiment génial. On va guetter ça avec impatience. Exactement. Voici Rolling Dune avec Miss Griffin. Si ça part, c'est mieux. Pourquoi il part pas? C'est là. Back and free you. Connaissance commune. À l'instant, autrefois, il avait cette chevelure à la T-Rex. Te souviens-tu? Bien sûr. Oh là là, bah, et donc, mais bon, ça a bien changé tout ça. Oui, c'est ça, il a plus de cheveux. Ouais. Mais il a toujours sa guitare. Ouais. Voilà, pour les plus anciens dans The Rocks qui étaient là au départ, donc il y a 29 ans. Voilà, il est venu deux fois, je crois, dans ses studios avec In Limbo. Il est revenu avec les Hydrek Island et là, c'est en solo. Et d'ailleurs, de temps en temps, je me fais une petite Madeleine de Proust en allant sur ton site, en réécoutant la reprise qu'il avait fait de Neil Young. Très belle. Que tu as laissé. Je l'ai laissé. Ouais. Et donc, je prends ce plaisir régulièrement. Très belle reprise. Ouais. C'était Antoine Malard. Bien sûr. Donc, et le lien, évidemment, c'était que lui aussi faisait partie de les Hydrek Island. Qui était venu dans ses studios. Voilà. Et donc, Antoine vient juste de sortir un nouvel album. Donc, Antoine, tu sais, il se partage toujours entre l'anglais et le français. Bon, là, il a choisi le français. Il est toujours avec des métaphores aquatiques et pédiluviennes qui ont dû te plaire. Exactement. En fait, c'est ce qui a remporté parce qu'il y avait deux titres en barrage et puis je me suis dit, bon, bah. Là, quand même, là, t'es cœur de cible. Ouais. Et donc, Antoine a continué à travailler avec le batteur de Lazy Drake Island, Vendy. Et il est associé maintenant à Frankie, qui est ingénieur du son, qui a son studio à Vinci, qui tient la basse et il a un percu. Alors lui, je ne le connais pas, mais donc il a sorti un album qui. Mais alors il répète où? Parce qu'il est sur l'île de Ré. Ouais, alors lui, il est sur l'île de Ré, mais ils se font des petites résidences, soit des week-ends résidences. Je crois qu'il y a des tournois de baby-foot qui s'intègrent là-dedans aussi. Aye. Et ils construisent leurs petits trucs comme ça. Je sais qu'en septembre, là, ils ont un concert à l'île de Ré. Et vous pouvez écouter tout son album sur Spotify. Je crois qu'il les vend aussi, mais le problème c'est qu'il a pas de Facebook, il a pas de site, il a pas de. Il a plus de cheveux, il a plus rien. Non, il a des cheveux grisonnants comme nous. Ah oui, non, enfin, pas moi. Surtout comme pas moi. Excuse-moi. Ouais, c'est vrai. Mais t'as les cheveux trop courts pour ça. C'est ça, c'est ça. Mais donc, je trouvais sympa de pouvoir faire profiter de cette nouveauté à On The Rocks. Bah oui, parce que c'est quand même un historique de l'émission, ouais. Cet Antoine Mallard qu'on salue. On va revenir à cette compile de la Roxette Tour en 18 étapes, avec une reprise des Sharpers, qui est tirée de leur précédent album, je crois, Docteur ouais. Docteur. Ouais. Voilà, Sharpers comme un groupe mythique qui, là aussi, je les défends depuis le début d'On The Rocks. Tu fais bien. Et eux, toi, ce soir, j'aurais dû venir avec une nouvelle chanson des Sharpers. Alors, Monsieur Chopec. Eh ouais, ils ont un album qui est prêt depuis 6 mois à sortir. Et là, ils devaient m'envoyer le morceau. Et malheureusement, vous n'aurez pas la primeur de ce nouveau morceau. Mais c'est et pas là, que c'est pour bientôt. Je suis désolé. C'est pour bientôt. En tout cas, voici ce morceau. Donc, et alors, quel est ce groupe qui reprend donc? Eh ben c'est un groupe qui n'existe plus, donc c'est le Above the Red Line, oui. Et qui est archi fan des Sharpers. Et il le travaille très très bien aussi. Ils donnent aussi une belle énergie à ce morceau. Oui, avec une sorte de faux départ de ta part en trompe-l'œil, si ma mémoire est bonne. Voici, c'est parti, Docteur Docteur dans la version. Et puis juste après, on se dira 2-3 mots et on se passera le morceau des Sharpers. Ah ouais, d'accord. Bah oui. Bah oui. Bah oui. C'est parti. just think that I'm some great survivor, and you just build upon the life I carry you. Well, I don't even talk that way. See, I wanted you to stay and show you the world's a better place. And as we call to find our way, we even take the shape of something else. De la solidité, c'est solide comme morceau. C'était Nathaniel Ratcliffe, dernier single. Alors voilà, je l'avais en réserve pour une prochaine émission et Christophe de la Rocksetlist l'a apporté ce soir. C'est une très bonne idée. Oui, je pouvais pas faire autrement que de te faire ce petit cadeau parce que je te suis extrêmement reconnaissant de m'avoir fait connaître cet article. D'accord, parce que je ne connaissais par pas Rocks, ouais. Par On The Rocks et depuis je le suis. Et... Parcours étonnant hein, quand même. Il est venu d'une folk assez brumeuse. Et il s'est dit un jour, bon ben, je fais encore un disque et si ça marche pas, j'arrête parce qu'il y en a ras-le-bol. Et c'était avec le S.O.B. et c'est ça qui l'a fait exploser. Et depuis, il remplit les stades aux États-Unis, quoi. Ouais. Et ça serait bien qu'un jour on puisse le voir en France aussi. Ah, ça serait hein. Pas mal. Ouais. Ça serait pas mal. Il est jamais venu, non? Pas à ma coupe. Ah, je sais pas. Je mets pas ma main à couper parce que. Il est entouré de sacrés gaillards quand même. Hein. Ouais. C'est sacré musicos. Donc c'est le dernier morceau qui annonce l'album. Qui sortira le 5 novembre, en fait. D'accord. Bah, d'accord. Il y a plein de choses au mois de novembre puisque c'est l'album de Natalia M. King également. On est avec Christophe Arondo, donc de la setlist ce soir. On s'était promis un petit morceau des Sharpers. Ouais. Eh bien, on va se passer un petit morceau des Sharpers, enfin joué par les Sharpers, mais ce n'est pas un morceau des Sharpers. Non, parce qu'eux, ils reprennent un groupe qui s'appelle les Red Daff, qui, par ailleurs, les Red Daff, il faut le savoir, eux, ont leur propre salle de concert du côté de mer, où ils peuvent accueillir 200, 250 personnes. Oui. Ils sont super bien équipés, c'est des gars extrêmement gentils. Ils ont leur groupe de rock à la française. D'accord. Et ils programment ? Bien sûr, bien sûr, ils programment. Il y a Yarol qui est déjà venu deux fois chez eux. Il y a Manu Lanvin qui est venu. Enfin bon, ils ont leur petite programme. Il y a des groupes locaux. Les Chili Dogs ont déjà joué là-bas. Les Sharpers ont déjà joué là-bas. Et ils font un festival. Bon, bah, malheureusement, depuis deux ans, ils peuvent pas le faire. Mais c'est programmé pour l'année prochaine. Pour la dernière fois, ils avaient programmé un groupe que j'adore par-dessus tout qui s'appelle Gaume. Et j'espère que un jour prochain, Gaume va pouvoir aller jouer dans cette salle. Et sur leur festival du mois de septembre, ils font une brocante pour instruments. Ils font toute une après-midi de concert. Et puis le soir, bah, c'est la fête avec un grand concert. Pas donc, et c'est du côté de Talsy, ça. D'accord. Et ce festival a un nom ? Le Brock'n'Roll. Le Brock'n'Roll, il fallait le faire. C'est comme c'est rock, c'est classe, ça très bien. Ah, nous, on est basique. Hein. Ah non, c'est très bien. Voici donc les Sharpers avec La Claque. Ouais, alors c'est pas La Claque en vérité. Ça a été une histoire aussi très rigolote parce que quand les groupes avaient, ils avaient le choix entre trois morceaux et quand ils ont choisi, ils m'ont mis ce, ils ont choisi un des trois morceaux et puis le jour de la présentation, ils me disent bah non en fait, et moi je croyais que c'était La Claque. Ils me disent bah non en fait, c'est pas La Claque, on a choisi un autre morceau. D'accord, mais ça s'appelle La Claque sur la compile. Et sur le titre, mais en vérité c'est pas La Claque. Donc sur le vinyle on aura le vrai titre et là j'ai un trou de mémoire, je te le dis pas parce que j'ai un trou de mémoire. D'accord. Mais c'est du Sharpers de cracher. Et voici pas La Claque. Doctor, I need a pill to feeling better. Doctor, give me something getting stronger. I need a shock treatment with lovely knack and nurses. Doctor, I need a pill to feeling better. Doctor, give me something getting stronger. I need a shock treatment. C'était les Sharpers à l'instant, donc avec un morceau dont on ne sait pas le nom. Ouais. C'est faut mieux faire mystérieux dans ces cas-là. Voilà, c'est toujours sur cette fameuse compilation de la Roxette Tour en 18 étapes. Voilà. Et là, nous, on va avoir un événement qui va arriver le 17 et le 18 septembre. Depuis quelques années, il y a le cinéma Les Lobbies, très connu à Blois, qui nous propose de faire des petites soirées où le thème évidemment est la musique. Alors jusqu'à maintenant, on avait toujours le loisir de faire dans le hall un petit concert live. Oui. Et puis et derrière, on passait un film. Donc on a passé le film de Clapton, on a passé le film Rumble, on a passé enfin plein de films super qui n'ont pas l'occasion de passer forcément parce qu'il n'y a pas un auditoire non plus. Et pour choper les copies, c'est compliqué ou Romain a toujours des bons coups. Il sait y faire et il nous propose enfin des films qui nous plaisent beaucoup. Et là, pour la rentrée, il a dit pourquoi vous ferez pas deux dates. Si bah oui, nous ça nous dérange pas, d'autant plus qu'on fait pas de concert en ce moment puisqu'on a pas l'endroit est trop petit. Bien sûr. Donc on fait une petite 20 minutes, une demi-heure de clip avec des groupes blésois avant et tout ça. Et donc là, il nous a proposé deux films qui nous plaisent énormément. Le premier que j'ai vu, c'est le film qui raconte l'histoire de Shane McGowan et qui retrace, enfin c'est entremêlé avec l'histoire de l'Irlande. C'est Julian Temple. C'est Julian Temple, ouais, qui avait d'ailleurs fait un super film sur les Dr. Feelgood. Oui, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Et donc ce film est vraiment très très bien, de voir l'itinéraire de Shane McGowan, de voir comment il a commencé, comment il est en train de finir. C'est vachement émouvant à certains moments. Oui, et puis c'est quand même un gars, c'est assez rare pour le signaler, qui est moins en forme en ayant des dents maintenant qu'il en avait en n'ayant pas de dents. C'est vrai, il était un peu plus en forme quand il n'avait pas de dents. Et donc ce film s'appelle Croc of Gold. J'ai pas peut-être le bon accent gaélique, mais... Et puis le lendemain, on va passer le film des Sparks. Sur les Sparks. Sur les Sparks. Non, pas Annette, hein. Le non, film vraiment oui, sur les Sparks. Annette est déjà passé. Oui, oui. Mais là, le film sur les Sparks, donc passera le vendredi, ça sera 20h, 20h30. Et le samedi, ça sera un peu plus tôt, 18h ou 18h30. Il faut regarder sur notre page Facebook. Et bien là, ça nous permettra. Alors moi, je connais pas très très bien ce groupe Sparks. Je sais qu'ils existent depuis plus de 50 ans, qui sont vénérés. Ouais, ils sont vénérés. Ouais. Je sais qu'ils ont travaillé avec Catherine Ringer. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, j'entendais, je lisais une interview. Ils disaient, bah ouais, on est désolé qu'elle soit pas dans le film parce qu'on aurait vraiment voulu. Ouais, exact. Mais donc ils déroulent leur carrière et je suis assez respectueux de tout ce qu'ils ont fait. Personnage étonnant. Alors moi, j'ai jamais véritablement accroché à leur musique et je suis assez inculte. Mais les quelques morceaux des Sparks que j'ai écoutés, voilà, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais voilà, artistiquement, ça tient la route et ils ont créé tout un univers, effectivement. Ouais. Et là, je suis sûr que le morceau qu'on va écouter, Ah, j'avais calé les Pogues. Mais c'est pas grave, on pourra l'écouter après. Non, on va se mettre les Sparks. T'as raison. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Et je suis sûr que c'est ça assez va varié ce qu'ils font. Hein. Ouais. Je suis sûr que ça va te faire penser à un artiste que t'aimes beaucoup. C'est vrai. On en reparle après. Tu me dis pas. Donc c'est alors c'est maintenant. Bah oui, tout de suite. C'est parti. Ça s'appelle Sherlock Holmes. C'est le nom des morceaux des Sparks. Et c'est tout de suite maintenant dans The Rocks. Ça me fait penser à Jean-Paul Belmondo, mais tout me fait penser à Jean-Paul Belmondo. 14. La peau dansée, il sait bouger son corps. Sortir du marais, les crevisses dans les jeans. Il a la pierre du Bayou. Bayou Fever. Il a la pierre du Bayou. Bayou Fever. Nous sommes jumelés en résonance avec le Loir-et-Cher et Blois, puisque il y a Christophe de la Roxetlist qui est avec, qui me fait l'amitié d'être là. Ça fait longtemps qu'il n'était pas venu dans les studios, ça fait plaisir. Il y a eu d'abord les Sparks pour cette prochaine. Tu nous rappelles les horaires de la séance. Alors le vendredi 17 septembre, le film pour Shane McGowan, Les Pogues et l'Irlande, ça sera 20h. Si vous arrivez à 20h, vous êtes sûr de ne pas arriver en retard. 20h30, vous arriverez pour le film, mais peut-être que vous aurez loupé les clips. J'ai un petit moment de flottement. Et le lendemain, pour le film sur les Sparks, c'est donc le 18 septembre. Et c'est à 18h ou 18h30. J'ai un petit... Mais je vais regarder sur mon téléphone pendant un autre morceau, je le redis tout à l'heure. Protéiforme, les Sparks, avec ce morceau qui faisait évidemment penser beaucoup à T-Rex. Je peux danser et chanter comme Sherlock Holmes, mais je ne peux pas être Sherlock Holmes. Voilà. Et puis, juste après, c'était un morceau tiré de cette compilation, le Roxette Tour, en 18 étapes, avec un morceau qu'on pourrait qualifier de moite. Il est moite, ce morceau. Alors que Sean McGowan est liquide. Ce qui n'a rien à voir. Mais celui-là, il est moite. Voilà. Philippe Erlos, avec Fred Rocher et Stéphanie, là, ils ont retravaillé le morceau d'une façon incroyable parce que ça n'a absolument rien à voir. Sauf que dedans, ouais, il y a une ambiance terrible et torride. Ah ouais, super version. Ouais. Enfin, je connais pas l'original, mais super version. Eh ben, totalement différente parce que décidément ce soir je te remercie. Alors j'y suis là. Les Kings Salami, fâché avec eux, ça fait deux fois. Ouais, je suis désolé pour Eric et ses copains. C'est parce qu'en fait c'est Kings Salami on the Sweet Cumberland. C'est ça. Et c'est du rock and roll à la Fleshtone, c'est compagnie, tu vois. Ouais. Et donc rien à voir. Rien à voir. Bah, alors, Philippe, il a pris, Philippe Erlos et Fred Rocher ont pris le contre-pied systématique du morceau. Ouais, ça donne un truc terrible. Ouais. Donc il y a une compilation, donc il y a des films à venir, mais il y a un concert également à venir de Nina Attal. Alors d'habitude on ne fait rien à Roxette au mois de septembre parce qu'on se met en route tranquillement. Et là on fait beaucoup trop, limite beaucoup trop de choses. Hein, parce que... Tu es fatigué. Pas encore, mais à la fin du mois de septembre, oui. Parce que depuis mars 2020, on ne peut plus faire de concert en gros. Et tous les ans, à Blois, il y a la semaine Elle qui est consacrée aux droits des femmes. Et nous, on intervient sur la soirée de clôture. Et Nina Attal était programmée en 2020. Elle était programmée en 2021 et de nouveau annulée. Donc on a dit, allez, on le fait maintenant avec un très bon groupe tourangeau aussi en première partie qui s'appelle Addy and the Hop Pickers. Et surtout Addy, elle est pour la cause des femmes. Mais les Hot Pickers, non. tu sais ce que ça veut dire, les Hot Pickers? Non. Les faucheurs de houblon. D'accord. Donc, et c'est vrai que Sébastien, derrière, il faut pas que lui en promette du houblon. et donc, le 25 septembre, à la maison de Bégon, on va enfin avoir Nina Attal qui vient de sortir un album. Nous, on pensait l'avoir avec l'album précédent. Ben là, on l'a sur le nouvel album. À force d'attendre, t'as le nouvel album. Donc, voilà. Donc, je vous propose de découvrir un de ses derniers morceaux. Et bon, c'est une guitariste hors pair. You're no good. Yes, c'est parti, parce que je vois le temps qui passe. C'est ça, il est quelle heure ? Le bonheur, elle, moi, là, alors là, j'ai 3 heures hein, dans les studios. Là, non, il est 20, 20h15, 20h19, 20h22, il est 19 en vrai. Ah, d'accord. La vraie, c'est 19. Oh, ça nous laisse 8 ans. Oui, ouais, on est large. Feeling better Let's go to Moscow. Let's go. Let's go to Moscow. Let's go to Moscow. Let's go to Moscow. Wow. Let's go. Vous avez reconnu peut-être cette harmonica reconnaissable entre mille. C'était les Chili Dogs qui étaient venus dans ces studios également il y a quelque temps, avec un extrait donc de cette compile, la Roxette Tour, en 18 étapes. Donc on a commencé l'émission avec Marc Minnelli, on finit avec une reprise de Marc Minnelli, voilà, faite par Chili Dogs. Let's go to Moscow. Yes. Alors j'ai vérifié, hein, le vendredi c'est exactement 20h30, le début de la soirée, et le samedi c'est 18h. Voilà, t'étais pas loin. Bah, tu t'es pas loin, t'avais les bons jours déjà. Ouais. Bon, eh bien, l'émission va bientôt se terminer. On va peut-être rappeler juste la date de Nina Attal. Le 25 septembre, vous pouvez d'ores et déjà aller à la Maison de Bégon pour réserver vos places. Comme c'est un truc assez compliqué, on n'a rien mis sur Internet. Il faut aller à la Maison de Bégon avant pour réserver, ou le soir même, il y aura de la place. C'est sûr et certain. Bon, ah bah, très, très bonne chose à venir. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu ce soir dans The Rocks. Je rappelle simplement, pour les gens qui veulent la compile en vinyle, allez sur le site de Roxette, roxetteblois.com, et vous pourrez télécharger le formulaire, réserver votre album, 25€, et vous aurez un collector terrible. Pour Noël. Pour Noël. Donc, je croise les doigts. Double vinyle. On va terminer maintenant avec un petit hommage. On a commencé avec des morts, on finit avec des morts. Avant, un gars bien en vie qui s'appelle Rémi Kedermondo et qui va faire l'arrêt d'Arc du Sport. Enfin, je regarde s'il est encore en vie. C'est bon. Il n'y a pas que des morts ce soir. Rémi est en pleine forme. Avec le bon vieux Lee Scratch Perry. Mais 85 ans aussi, hein. Oui. Donc, il fait partie de la vieille génération. Et c'est des gars qui ont traversé des trucs incroyables. Oui, c'est étonnant qu'ils soient encore là, Lee Scratch Perry. Et voilà. Ah, ils ont quand même tenu, pour te dire la santé qu'ils devaient avoir, ces gars-là. Oui, tu m'étonnes. Ouais. Bon. Et donc, moi, j'ai choisi un morceau par lequel j'ai connu. En fait, c'est plutôt Max Romeo, là, qui porte la voix. Et d'ailleurs, c'est mon chanteur préféré dans le reggae. Et j'ai découvert ça il y a très longtemps dans une compile qui rassemblait plein d'œuvres de Lee Perry, qui s'appelle Arcologie. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est le truc qu'il faut avoir. Ouais. Moi, c'est un morceau que j'aime par-dessus tout, Chase the Devil. Merci pour ton invitation, Manu. Ah bah merci. Merci pour ta programmation. Tu reviens quand tu veux, quand tu peux. Hein. C'est surtout quand je peux, parce que sinon je sors du bassin. Semaine. Sinon, voilà, t'es une place de 1 mètre sur 2, mais vraiment, avec plaisir, tu reviens quand tu veux. La semaine prochaine, à ces micros, il y aura Mathieu Dufaux de l'Astrolabe pour la programmation de Hop Hop Hop. Et dans 15 jours, ce sera la diffusion de l'interview de Sarah McCoy, enregistrée au début de l'été. Ah ouais? Oui, voilà. Tu vois, moi j'attendais qu'une chose, c'est qu'elle passe au lobbyiste. Normalement, elle devait passer à All the Jazz. Ouais. Et cette pandémie a fait que ça a été. Donc elle est remontée sur scène là, et c'était assez faramineux comme tout ce qu'elle fait, la dame. Et puis plein d'interviews et plein de disques à venir dans les On the Rocks des semaines prochaines. C'est parti! Ça s'appelle Max Romeo et c'est le choix de monsieur Christophe. Et c'est avec les Upsetters. Eh oui, les Upsetters. Lucifer, son of the morning. I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is a evilous man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put iron shirt and chase the devil out of Earth. I'm gonna send him to outer